pour faire un son c'est pas facile. Ouais je suis sérieux, tu fais le mec en place mais en vérité. Négro t'as rien parlé franco, dites-moi les robes. Si j'ai serré ma voix résonne dans mon quartier. Ça me rend heureux, y'a pas d'eau, fais le tour de la ville. Gros y'en a marre, j'attends mon poteau, il met toute sa vie. Je sais pas ce qu'il fout et je dis tant mieux si je vous mets bien. Pour les frères à Belle Roche qui m'écoutent de loin. Soutenu dans le 26, je connaissais même pas. Oh mais y'a NRS, ça tape sous Raptor. Ça enroule un gros, ça finit gazé. Y'a pas de sous, pas de mis, je veux pas me caser. Si un jour je suis bien, j'irai voir ailleurs. Tout le monde la connaît, elle a plus de valeur. Que ça tourne en rond dans mon secteur. J'fais rien toute la journée. Nique sa mère, le procureur, libérer mon gros, ça fait des années. Ça tourne en rond dans mon secteur. J'fais rien toute la journée. Nique sa mère, le procureur, libérer mon gros, ça fait des années. Je donne le shit sans parano. Tu dis que tu es riche, tu voyages 7 fois par année. Moi je suis à la caisse, regarde ce que je vis, c'est pas marrant. Le coup tout le son, moi je fais ce que je peux pour m'en aller. Pour les rats des terres qui ont un vécu comme Bébéto. Pour ceux qui trempent pas quand y'a la croix, c'est dans le rétro. Avant j'étais où, je me montrais pas, j'étais sur le déco. Aujourd'hui je suis là, je suis le porte-parole de mon ghetto. Je suis chaud patate, je suis tous les jours avec Bibi. Même la BHP me dit qu'ils s'en battent les clés, oui. Ouais, je suis à la puce, que j'ai en tête, vous savez pas. Tant que j'aurai l'infi, je ferai des sons, je m'arrêterai pas. Ouais, tu veux un feat ou tu veux un tête. J'ai trop la dalle, je suis comme un pile devant un steak. En vrai, je m'en fous, je prends une instru, je fais comme je veux. Je rappe pour ceux qui vivent, pour tous ceux qui sont malheureux. Tu me dis que ça va, mais en vérité, t'en as pas l'air. La vie, c'est dur comme trouver un poteau sincère. Je me méfie de tout, si je réussis, faut pas m'envier. Même quand j'ai rien, je demande où est-ce que je vais pas manger. Si ça tourne en rond dans mon secteur, je fais rien toute la journée. Nique sa mère, le procureur, libérer mon gros, ça fait des années. Si ça tourne en rond dans mon secteur, je fais rien toute la journée. Nique sa mère, le procureur, libérer mon gros, ça fait des années. Si ça tourne en rond dans mon secteur, je fais rien toute la journée. Nique sa mère, le procureur, libérer mon gros, ça fait des années. Si ça tourne en rond dans mon secteur. Je fais rien toute la journée, nique sa mère, le procureur, libérer mon gros, ça fait des années. Ça tourne en rond dans mon secteur,